À l'occasion de la Journée du Soleil, le comité préparatoire finlandais pour la Journée du Soleil a fait paraître en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung sur les trois principes de la réunification de la patrie. Par ailleurs, à la même occasion, le Cercle britannique d'études des Ejuche a présenté dans le numéro spécial de son bulletin « Étoile de l'indépendance » l'œuvre classique du président Kim Il-sung, rossé le rôle des masses populaires et la garantie pour la victoire de l'œuvre d'émancipation. Le bulletin a inséré à cette occasion la photo du président Kim Il-sung.